d'un dernier baiser embrasse de drôles de femmes sur des monstres d'acier aux crômes incandescents. C'est la paix du guerrier, c'est le temps des mutants. À travers mes rébans, je sens venir la nuit comme un ange furtif sur des musiques bizarres. Au feu des bras héros se chauffent les chicanos, le fusil se repose jusqu'au prochain aurore. En attendant la guerre aux odeurs de charogne, on astique les cuivres, on prépare les drapeaux. Encore une fois tes yeux dans ce claque sordide, encore une fois ma peau contre l'acier brûlant. La jungle endormie s'installe des éclairs. Je fume un dernier joint en attendant l'hiver. Le casque dans la gueule comme un chien policier, le cuir dans les dents et l'envie de gueuler. Le chapelet du FM crépite au petit jour, véhicule la haine, installe des soleils. Cadavres pourrissent dans une boue épaisse, les ventres sont gonflés, le cure-dent dit sa messe. Dans le claque, la pute compte les revenants et se fait culbuter par un des morts vivants. La tristesse en l'opium au fond de mon trou noir, je m'invente des soleils que je classe en mémoire. Le néon blafard d'une ville endormie, il reste les bâtards, les enfants de la zone. Rescapés du massacre, oubliés de la guerre, affamés comme des loups, ils arpentent la nuit. La musique est barbare, je soigne mon tempo, dans un palace étrange, la nuit des généraux. La moquette épaisse, les bougies de luxe disent comme des couleurs sur le ventre des chèvres. Sous des volutes bleues, j'ai le cœur qui se casse. Au tam-tam des ombres, je couche ma carcasse. À la bourse à New York, le dollar est en hausse. Pas très loin du Mekong, on mutile les gosses. Les gamines bronzées s'installent sur les balcons, leurs yeux noirs se promènent jusqu'au bout de l'horizon. Sur les ruines fumantes, un homme joue à la guerre, il me regarde en face et me jette une pierre. Et me jette une pierre. Et me jette une pierre. Et me jette une pierre.